j'aurai toujours un cigare à la main. Je te reverrai un jour, l'Américain, dans un faubourg de London, en train de parler indien à un Chinois qui s'étonne d'être aussi loin. Le temps d'un éclat de rire, le temps passé n'est pas loin. Aide-moi à me souvenir que tout va bien. Y a du soleil aux fenêtres, des oiseaux dans le jardin, et tu les entends peut-être, ça j'en sais rien. Je te reverrai toujours, un cigare à la main. Je te reverrai un jour, l'Américain, à une terrasse de Broadway, dans un café de Berlin. Tu parleras japonais à un Brésilien. Le temps d'une chanson qui passe, le temps passé n'est pas loin. Aide-moi à faire la grimace, donne-moi la main. Il pleut sur la capitale, et la pluie c'est du chagrin. Qu'est-ce qu'on monte dans les étoiles, moi je le vois bien. Comme je te verrai toujours, un cigare à la main. Je te reverrai un jour, l'Américain, dans un quartier de Harlem ou dans un square autrichien. Je m'entendrai dire je t'aime en Américain.